J'ai les yeux plissés comme pour plaire. Depuis le lycée on sort pour soir. Au début on se kiffait sans se le dire. Aujourd'hui on le fait croire pour que ça dure. Est-ce que c'est celle qu'il me faut sur terre? Sale à mes côtés les soirs sordides. Faut-il être deux pour s'en sortir? Se construire seul, c'est encore pire. Je croyais que j'irais pas voir ailleurs. Mais les années passent à toute vitesse. T'es belle mais t'as perdu ta valeur. J'aurais dû fumer ce bâtard d'ailleurs. On ferme les yeux pour maquiller le pire. Silencieux pour camoufler le tir. L'accusé a tort, esquisser un trait pour conclure. Revenir seul, s'excuser après, ironie du sort. À croire ça c'est fini en bon terme. Mais y'a pas de bon terme en vrai. Tu vas la revoir, tu vas la baiser comme si c'était le premier soir. Ça veut plus rien dire en vrai. On le sait tous les deux mais on s'en tape. Les autres elles sont fatales. T'étais à part, différente dans tous les détails. Différente, j'ramasse les pétales. Et puis je me taille dans tous mes états. Différente, à part, différente dans tous les détails. Différente, j'ramasse les pétales. Et puis je me taille. Il restera sûrement des photos de toi. Je les garderai peut-être à défaut de te voir. Mais ça m'empêche pas d'avoir d'autres bords. Je te mets pas dans l'eau, toi t'es à part. Et puis quoi, tu vas me faire la gueule. Et puis quoi encore, il faut que je te rappelle. Car même pas 6 mois, tu t'es pas gêné. T'as osé remettre ça sur le taux de la jeunesse. Et quand je suis chez une autre femme, c'est mauvais temps.